Bientôt ce sera l'attente, la peur, et le nom de Fukushima résonnera aux oreilles du monde entier, comme celui d'un cauchemar éveillé. La vague, elle, continuera sa route avec indifférence. Dans un an, le tsunami continuera de frapper, presque sans force, presque exténué, de l'autre côté de la planète. Il sera épuisé, presque muet, à bout de course, presque rien. Une vague d'une trentaine de centimètres. Encore de quoi renverser un homme et le jeter à terre. Autour du monde. Autour du monde. De Laurent Mauvignier. Adaptation, Louise Loubrieux. Réalisation, Juliette Eman. 10e épisode. Vince a décidé d'entrer dans la chambre de son frère et maintenant, c'est l'incompréhension qui le mine de n'avoir rien trouvé dans l'ordinateur. Juste des photos. Et il pense à Hemingway, bien sûr, à Dos Passos, aux espadons et aux tons énormes. Mais il ne trouve pas un seul fichier de texte. Pas l'ombre d'un texte. Des photos de famille par centaines, par milliers. Une vraie campagne publicitaire pour le fantôme de l'American Way of Life. Est-ce que son frère peut être devenu aussi décevant que le premier venu de ces types dont il a croisé la vie un jour en voiture ? Il ne veut pas y croire. Mais pourtant, il faudra bien en tirer des conclusions. Il faudra bien que quelqu'un ne renonce pas. Il faut bien que quelqu'un ne renonce pas. Soudain, il lui semble qu'il doit prévoir quelque chose, se prémunir. Il va falloir faire attention, être vigilant. Savoir être invisible et présent, car quelque chose de confus, d'obscur, replié comme un point, quelque chose lui brûle l'esprit. Il faut pouvoir se défendre, et le mot « invisible » lui fait penser à ce fil invisible, le fil de pêche. Il entre dans la pièce qui sert de débarras, allume, va vers le matériel de son frère. Il retire les lacets de ses chaussures et coupe une longueur de fil de pêche égale à celle d'un lacet. Il attache l'une des extrémités du fil à un bout du lacet, puis repasse ceci à ses chaussures. Son geste est sûr de lui, ferme. Le fil de pêche coupe presque autant qu'un fil d'acier, et il peut être une arme mortelle qu'on ne trouvera pas aussi facilement. Et cette assurance le galvanise. Alors, une fois les lacets renoués, il revient dans la cuisine. Puis il ouvre un tiroir, il prend l'un des couteaux dont il a vu Dina se servir pour couper la viande. Il cherche et prend une serviette, mais il trouve mieux dans un des tiroirs. Une sorte d'étui en plastique épais dans lequel il glisse le couteau. « Ça ira », se dit-il. Puis il pose son pied sur l'une des chaises et soulève le bas de pantalon de sa jambe droite, glisse l'étui et le couteau dans la chaussette, sur le côté, en veillant à ne pas se blesser. Le soir même, lorsqu'on fête l'anniversaire de Stan, ce qui arrive se fait dans la continuité d'une mécanique n'ayant pas encore montré toutes ses capacités ni produit toute sa force d'entraînement. Ça arrive très simplement, parce qu'un mot en entraîne un autre. Parce que Dina est dans la cuisine et que les deux frères sont en train de boire une bière au salon. Parce que les enfants autour d'eux parlent de la journée du lendemain chez Disney. Et parce que Connie a pris la main de Vince pour lui demander de passer la journée avec eux à Magic Kingdom. Ça arrive parce que la télévision est allumée et que les mêmes images d'une explosion défilent en boucle. Une fumée blanche et laiteuse qui envahit le ciel de Fukushima. Avec les voix de commentateurs qu'on entend sans vraiment les écouter. Ça vient comme ça. Les mots glissent. Bientôt, on se retrouve à parler du Japon. Des centrales nucléaires. Et dès que les centrales pointent leur nez, on se doute, Vince et Mitch se doutent, Leur mère à eux aussi pointe son nez et avec lui ses menaces. Ces discussions à n'en plus finir. Et leur père qui donne un coup de pied dans le réfrigérateur parce qu'il ne se ferme jamais correctement. Il les reproche sur les putains de produits bio qui sont déjà pourris. On glisse. On sent bien que le Japon va nous mener ailleurs. Dans les brumes de l'explosion de Fukushima se dessine une explosion minuscule. Une explosion par fragmentation où l'on peut entendre « Mais qui donc a parlé le premier d'écologie ?» Qui le premier a dit « Putain, ils vont vraiment finir par nous faire péter la planète ?» Qui ?« Putain, ils vont vraiment finir par nous faire péter la planète ?» Est-ce que c'est Dina, comme ça, posant sur la table le plat de crevettes grillées qu'elle prépare depuis tout à l'heure, qui parle sans y prendre garde, pour dire seulement quelque chose en s'asseyant alors que les frères ne disent rien? Ou est-ce que c'est Mitch qui s'en prend à son frère parce qu'il n'a pas bougé et que devant l'écran, il reste figé sur les images et semble écouter les commentaires et les voix inquiètes parlant du risque d'une pollution majeure, peut-être même de l'évacuation de Tokyo, et les images mentales de science-fiction, 30 millions de personnes à évacuer, dont la simple évocation provoque dans les têtes un nouveau séisme. T'as vu ça, Dina ? Et puis cette voix, ces mots. On va tous en crever, non ? Non, pas nous. Ah, tu crois, Vince, que Dieu protège les États-Unis d'Amérique ? Les États-Unis, c'est pas pareil. Ah bon, tu m'expliques ça ? Eh, belle-sœur, y a rien à expliquer. Bah, je crois que si. Il me semble pas qu'ici on soit à l'abri des catastrophes. Et je crois même qu'on est le pays qui a le plus de centrales nucléaires au monde, non ? Dina, on va pas s'engueuler, hein ? Pourquoi tu t'énerves ? Je m'énerve pas. Dis-moi, pourquoi nous aime pas ta femme ? Comment ça, nous ? Tu sais bien. Non, Vince, je vois pas de quoi tu parles. Si, je crois que tu sais. Non, franchement, là, non. Elle t'a demandé d'arrêter d'écrire. Attends, c'est ça ce que tu te racontes ? Mais comment tu t'imagines un truc pareil, frangin ? Non ? Non, je t'assure. Si j'avais voulu continuer, Dina ne m'aurait certainement pas empêché de le faire, certainement pas. C'est pas son genre, crois-moi. Et Katrina, Vince, qu'est-ce que t'en fais, Katrina ? Tu me le dis ? Comment tu fais si jamais un ouragan pareil rencontre une centrale ? Tu me dis comment on fait, nous, les Américains ? Eh, c'est bon, Dina. Non, Mitch, c'est pas bon. Et Vince, tu es le bienvenu chez ton frère, mais je sais qu'il y a quelque chose qui va pas chez toi. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute, moi, Katrina ? Comment ça, qu'est-ce que ça peut te foutre ? Vince, t'as vu les images, non ? Oui, je les ai vues. Bien sûr, je les ai vues. Et ? C'est tout ? Je peux te dire que j'en ai rien à foutre, si tu veux. Vince, tu plaisantes ? Que des phases d'omelette au Japon se bouffent des vagues de 30 mètres ou que tes copains les nègres se prennent un cyclone dans la gueule, si c'est ce que tu veux savoir, j'en ai vraiment rien à foutre. Attends, Vince, ici tu es chez moi. Je t'interdis de parler comme ça chez moi, tu entends ? T'aimes les noirs ? Hey Mitch, fais gaffe. Ta femme aime les noirs, méfie-toi. Chez moi, on dit pas des trucs comme ça, ok ? Dina, laisse tomber. Ça va, on arrête. Non, Mitch, j'arrête pas, certainement pas. Vince, tu débarques comme ça sans prévenir et il faut qu'on entende les horreurs que tu dis ? Tu crois ça ? Tu crois que je vais accepter ça ? Je veux que tu comprennes une chose et que ce soit bien clair. Personne ne parle comme ça chez moi et pas devant mes enfants, d'accord ? Hé, hey Mitch, c'est ton frère et tu dis rien ? Tu restes là et tu dis rien ? Ok, on se calme. Dina, ça va. S'il te plaît, n'en rajoute pas, laisse tomber, je te dis. Vince, tu t'excuses et on n'en parle plus, c'est bon ? Non, Mitch, je laisse pas tomber. Ce putain d'ouragan a fait près de 2000 morts. On a des amis qui ont tout perdu, tout. Il faut que je te rappelle que tes amis ont tout perdu là-bas, Mitch. Ça nous concerne tous, d'accord ? Ce qui arrive aux autres, ça nous concerne. On est tous concernés. Mitch, t'es d'accord ? Non ? On est d'accord ? Alors tu peux dire à ton frère que s'il n'est pas d'accord avec ça, il dégage, ok ? Ok, Vince ? Le lendemain, Dina est la première à se lever. Très vite, elle cherche dans la maison les signes de son départ. Les vêtements, le sac à dos, les chaussures. Elle regarde la porte de la pièce dans laquelle Vince voulait s'installer. Elle ne sait pas pourquoi elle veut regarder là. Mais tout à coup, elle est prise d'angoisse. Presque de panique. Elle a envie de crier et il lui semble que son cœur va s'arrêter. Et l'idée folle lui traverse l'esprit que Vince est là, mais que ses pieds dansent à 1 mètre du sol. La nuque brisée, les yeux révulsés au milieu de cette pièce, pendu haut et court, ou bien qu'il baigne dans une flaque d'un épais liquide, chaud encore, d'un rouge opaque et brillant, puant, poisseux, son corps gisant sur le sol. Et elle se dit déjà qu'elle a précipité sa mort. Pas encore « je l'ai tué », mais « précipité ». Jeté, lâché à la mort en ne lui laissant pas d'échappatoire, seul, face à ses contradictions et à sa violence, son ressentiment, sa haine. Mon Dieu, non, Vince, tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas fait ça. Elle reprend son souffle et entre dans la pièce. Elle reste comme ça, sans bouger. Balayant seulement l'espace du regard, elle voit que tout est immobile, impassible comme les objets le sont, comme l'espace l'est aussi entre les choses dans le calme du petit matin. Seul son esprit à elle est agité, le reste baigne dans l'indifférence de la tiédeur matinale. Rien n'a changé, pas de corps gisant ou pendu. Mais cette image de mort et ce soulagement de ne pas l'avoir vue face à elle, réelle mais évanouie quelque part dans l'immatériel de son cerveau. Cette image s'est imprimée suffisamment dans son esprit pour qu'elle ressurgisse toute la journée. Alors que Dina croira s'en défaire en riant avec ses enfants plus fort que d'habitude. Oui, elle croira qu'il suffira de rire plus fort qu'elle ne le ferait d'ordinaire, d'avoir plus peur qu'elle n'aurait eu peur d'ordinaire dans la maison hantée de chez Disney. On reste tous ensemble, unis pour déjeuner dans le château de Cendrillon. Ensemble aussi pour faire des tours de manège dans des tasses géantes. Il semble que pour toutes les familles qui sont là, c'est le même monde souriant qui s'ouvre, avec sa précision et ses rites. Un monde onctueux et sans accroc, sans violence ni mensonge. Un monde lisse et sans aspérité, sans danger, où chacun peut trouver sa place dans un univers d'enfance et d'imaginaire. Et quand elle et son père voient la Belle au bois dormant, devant ce monde de féerie, ces êtres et ces gens heureux qui viennent de partout autour de la Terre, Fumi se dit que c'est formidable de rester quelques jours de plus à Paris. Elle se dit aussi qu'il faut qu'elle raconte tout ça à sa grand-mère. Elle pense tellement à elle dans le RERA qui rentre de Disneyland à Paris. Je veux parler à mamie. Je veux lui raconter Cendrillon, le parc, la Belle et la Bête. Je veux tout lui raconter, il le faut. Papa, pourquoi tu veux pas qu'on téléphone à mamie? Et si t'envoyais une cassette enregistrée? Ce sera bien mieux, tu pourras tout lui raconter, prendre le temps qu'il faut. Ce serait mieux qu'une lettre, parce qu'à son âge, mamie peut pas lire. Et au téléphone, elle entend pas très bien. Oh oui, c'est une bonne idée, oui. Le jeune homme qui est à l'accueil de l'hôtel a promis d'aller à la poste et d'envoyer l'enregistreur au Japon, bien protégé dans une boîte sur laquelle le père de Fumi écrira l'adresse de la grand-mère. Certaine que tout va bien pour vous deux. Chère mamie, je suis sûre aussi que tu m'écoutes dans ta maison, que le vieux Shanakata est à tes pieds, que papy est en train de parler avec les voisins, j'en suis sûre. Et papa aussi en est sûr. Il me l'a encore redit ce matin. Depuis qu'ils ont décidé de prolonger leur séjour, Fumi a l'impression qu'elle est la seule à être heureuse. La seule qui soit ravie de passer des journées dans des endroits où l'on n'avait pas du tout prévu d'aller, même si elle trouve étrange que ses parents soient aussi maussades et inquiets, Étrange que Ichiro et Ayaka passent leur temps à dire qu'il faudrait rentrer, puis à se taire, à ne pas vouloir visiter les musées ni à se promener. Je sais pas, mamie, si tu te rappelles quand papa avait dû emmener Ichiro à l'hôpital et rester des heures avec lui parce que les médecins croyaient qu'Ichiro avait un cancer des os. Si tu te rappelles, tu te souviendras qu'il avait gardé tout ça pour lui pendant des semaines parce qu'il voulait pas que maman s'inquiète. Maman pouvait pas venir. Ayaka et moi, on était encore trop petites pour rester seules toutes les deux. Enfin, ma petite mamie, c'est surtout pour te dire que je me souviens de son air inquiet. Je l'avais déjà vu comme ça avec Ichiro. J'ai donc demandé à papa s'il y avait un problème avec Ichiro, s'il allait devoir retourner à l'hôpital. Papa a eu l'air surpris. Il m'a dit « Bien sûr que non, Ichiro va très bien, pourquoi tu me demandes ça ?» Fumi ne veut pas raconter à son père comment c'est d'abord lui qu'elle trouve étrange, à cause de son empressement à prendre ses enfants dans ses bras et à rire un peu trop fort de blagues pas vraiment drôles. Étrange. Ils sont étranges. Les adultes. Et parmi eux, les Français plus particulièrement. Ayaka se charge pour eux tous d'avoir le mal du pays. Toutes les nuits, elle réveille Fumi avec ses petits sanglots stridents. Fumi sent qu'elle ne dort pas. Parfois, elle répond à Fumi que celle-ci comprendra plus tard, qu'il faudra bien qu'elle comprenne. Alors, Fumi s'agace contre elle. « Ce n'est pas parce que j'ai 10 ans que je ne comprends rien. » Je comprends très bien ce qui se passe. Je vois très bien que t'es malheureuse et déçue à cause de ton petit ami qui t'attend chez nous. Ayaka lui ordonne de la fermer. Ferme-la, crevette. Ferme-la, tu ne sais pas de quoi tu parles. En parlant d'Ayaka, justement, il faudrait que je te raconte comment elle est pénible en vacances. Plus je la vois, plus je me dis que je voudrais devenir adulte sans avoir à passer par la case adolescence qui ressemble à une maladie. Ayaka estime que Paris ne ressemble pas à ce qu'elle devrait pour être vraiment Paris. Les hommes ne ressemblent pas à ce qu'elle avait imaginé, avec des chemises à jabot et des calèches. Ayaka avait imaginé que le temps s'était arrêté dans les ruelles et les petits cafés. Mais il y a des touristes partout. De partout, ça afflue, à pied ou en voiture, sur des motos ou dans des bus qui déversent des centaines et des centaines de gens comme une malédiction sur les rêves d'Ayaka. Bien sûr, Paris est un peu sale. Les chauffeurs de taxi ne portent pas de gants blancs. On peut pas dire que les trottoirs soient d'une grande propreté, mais tout de même, voir la tour Eiffel qui scintille dans la nuit, le laser qui balaye la ville, et puis les Champs-Élysées, la place de la Concorde, la Seine. Parfois, Fumi regrette de ne pas pouvoir entendre la voix de sa grand-mère. Elle se dit que si l'idée de tout enregistrer est une bonne idée, ce serait quand même plus agréable encore d'entendre sa voix. Même si elle devait lui raconter moins de choses, Fumi pense que ce serait bien de l'entendre et d'entendre Papi parler du port, de ses amis pêcheurs. Avec maman et Ayaka, pendant que papa et Ichiro sont partis, on ne sait pas trop où, on va voir les musées, les parcs, les églises, on se promène. Mamie, tu savais que les amoureux du monde entier attachent des cadenas sur les ponts de Paris ? C'est très romantique. Je me dis que je ferai ça un jour. Quand on était au Louvre, je t'assure, on a ressenti un profond et lourd silence en voyant un tableau avec des hommes à moitié nus et morts sur un radeau. Ayaka, le lendemain, au petit déjeuner, a dit qu'elle avait rêvé du tableau et que dessus, avec les gens, il y avait des objets à nous, des bibelots, des lampes renversées. Ce rêve bizarre l'a laissée dans un drôle d'état. Papa et maman ont eu l'air de paniquer quand elle a dit ça. Mais ils n'ont rien dit. Ichiro et moi, on était bien contents de ne pas avoir fait ce genre de rêve. En ce moment, maman nous sourit plus que d'habitude. Dans ses yeux, il y a un flot d'amour incroyable, comme si elle nous prenait pour des miraculés. Elle passe son temps à manger des bonbons à la menthe en prenant très fort sa respiration pour se déboucher le nez, dit-elle, à cause de la pollution. Ichiro ne lève pas la tête de l'appareil photo ou de son jeu vidéo. Ayaka traîne la jambe et se plaint d'avoir des coliques. Elle veut manger japonais au moins une fois tous les 2 jours. Mamie, t'es venue une fois à Paris, il me semble, lors d'un voyage organisé. C'était il y a longtemps. Tu es venue avec d'autres vieilles personnes. Si tu te souviens de Paris, tu sais qu'il y a même un grand magasin qui s'appelle Look quelque chose, je ne sais plus trop, où tout est écrit en japonais, où les vendeurs sont japonais, où devant l'entrée, sur le trottoir, on voit des hommes japonais qui attendent leurs femmes. Entre nous, c'est dans ce magasin qu'on a fait les cadeaux pour papy et toi, mais je devrais pas te le dire. Je me suis offert un porte-clés en forme de tour Eiffel et j'y ai mis la clé de mon casier. Et pour ton cadeau, bien sûr, je peux rien dire. Tous les jours, à leur retour, Ichiro et son père ne disent rien. Ils haussent les épaules, ils ont l'air effarés, consternés ou effrayés. Ils passent par tous les états. Et parfois, la mère de Fumi est obligée de dire à son mari qu'il doit lui parler. Fumi ne peut pas s'empêcher de croire qu'ils se sont disputés. Sa mère a l'air d'avoir pleuré et lui d'avoir honte ou de vouloir s'excuser. Pareil pour Ayaka. Elle harcèle Ichiro et il fait des signes de tête pour dire qu'il n'en sait pas plus. Fumi aimerait savoir de quoi tous veulent se parler sans qu'elle n'en sache rien. En attendant, son père dit qu'il faut se détendre. Qu'il ne sert à rien de ressasser. Mais ressasser quoi ? Elle se demande. Alors papa veut nous emmener dans des endroits toujours plus incroyables et plus étonnants les uns que les autres. On les aurait jamais découverts s'il n'avait pas fallu rester plus longtemps que prévu. On a fait plusieurs fois le chemin de Montmartre, où vivaient les peintres impressionnistes. On a rêvé de croiser Van Gogh et Monet et Renoir. Au lieu de ça, on a visité le joli musée de Montmartre et croisé un groupe d'Australiens qui portaient des casquettes avec des kangourous. J'ai acheté une tonne de cartes postales, en partie pour mettre dans ma chambre, et un poster avec un chat noir. Je t'en enverrai trois de Van Gogh. Sauf qu'il me semble que Van Gogh peint des tremblements de terre et de ciel. Tout ça a l'air de trembler dans le bleu et le jaune. Le monde entier a l'air d'être inflammable. Ils auraient dû rentrer le 12 mars, le samedi. Mais la semaine d'après est passée, et la famille Sugita est toujours dans son hôtel à Paris, du côté de la place du Palais-Royal. Ce que je voulais te dire au sujet d'Ichiro et d'hier soir, c'est comment il a été très méchant, vraiment, avec moi, et que papa a piqué une colère terrible contre lui. On est tous très tristes ce matin à cause d'hier soir, vraiment très tristes. C'est pour ça que je vais arrêter d'enregistrer. Papa va donner de l'argent au garçon de l'hôtel pour qu'il aille à la poste. Je prie pour que l'enregistreur arrive jusqu'à toi. Je prie pour que tu puisses écouter tranquillement la cassette. Je prie de toutes mes forces pour qu'Ichiro ne soit qu'un horrible menteur et qu'il ait tort quand il dit que je suis idiote de te parler dans un enregistreur depuis si longtemps. Que je suis idiote de me cacher pour te parler, de perdre mon temps. Que je suis idiote de toute façon parce qu'il prétend que tu ne recevras jamais ce message et que ni ton village ni toi, vous n'existez plus. Quand je lui ai dit que tu étais protégée par un mur de 5 mètres, il a éclaté de rire en me disant « Ma pauvre petite Fumi, t'as rien compris, petite vermine. Tu sais pas que ton mur de merde, il a été balayé par des vagues de 10 ou 15 mètres. T'as pas compris que mamie recevra jamais ton enregistreur. Tu comprends pas qu'elle t'entendra pas et que tu la reverras jamais. Crevette, petite vermine, papa et maman veulent pas te le dire, ils ont peur de te dire la vérité. Mais la vérité, c'est que papy et mamie et tous les autres... La mer s'est jetée sur leur village. Et personne n'a pu résister. Personne. Sauf à être parti très vite, très tôt. Mais papy et mamie sont trop vieux pour ça. Ils ont pas pu courir. Ils ont pas pu, Fumi, tu comprends? Ils ont pas pu. Et arrête de faire ton idiote qui veut pas comprendre. Il faut regarder la vérité en face. Papy et mamie sont morts. Et c'est tout. Moi, j'avais l'enregistreur dans la main et je savais que tu étais vivante. Il faut que tu sois vivante. Il le faut, mamie. Mamie, il le faut parce que... Sinon, à quoi bon parler dans le vide? À quoi bon parler pour personne, sinon? Et j'ai serré très fort l'enregistreur. Et je veux pas imaginer l'eau qui rentre dans ta bouche et la vague au-dessus de ta maison. C'est impossible. Impossible, je veux pas. Impossible, cette ombre au-dessus. Ce bruit. C'est horrible. Et alors papa a voulu qu'Ichiro se taise et c'est la première fois que j'ai vu papa prêt à frapper Ichiro. Et Ichiro qui continuait, il pleurait, il criait, mort, mort, ils sont morts. Et il a dit que papa était un lâche, que papa et maman étaient des menteurs et des lâches, et que ça suffisait. Et aussi... Enfin non, il faut que je me taise. Le jeune homme de l'accueil doit partir pour la poste, ça fait 2 fois qu'on m'interrompt pour que je finisse. Alors je finis. Je me dépêche. Chère mamie, petite mamie, que j'embrasse, et papy aussi bien sûr. J'ai juste pris le temps ce matin de terminer pour te raconter toute l'histoire, mais maintenant c'est fini, il faut arrêter. Fumi ? Oui, papa ? Va chercher ton manteau dans la chambre. Ce matin, on va à Auvers-sur-Oise voir l'église que Van Gogh a peinte. Tout va bien se passer, ma petite chérie. Il lui sourit, elle a confiance en lui. Papa ne ment jamais. Le jeune homme part avec l'enregistreur, en se disant qu'il a bien compris que le papa de Fumi voulait vraiment qu'il aille à la poste pour envoyer le colis. Il voudrait écouter la voix de la petite fille, même s'il ne parle pas un mot de japonais. Mais il ne le fera pas. Ce message a quelque chose de secret et de pur. Il sait que les circonstances sont exceptionnelles. Et il essaie d'imaginer ce que ce doit être de vivre loin de son pays, lorsque celui-ci vient de connaître un drame pareil. Pour l'instant, il entre dans le bureau de poste de la rue du Louvre et il imagine les lettres et les colis par milliers, les gens qui circulent au même moment partout dans le monde. Il imagine les montagnes de sacs postaux. Il pense à tous ces mots par millions qui s'écrivent, se lisent, se froissent, s'oublient, s'ignorent. Et à tous ces gens qui se frôlent et ne se rencontreront jamais. Autour du monde, de Laurent Mauvignier. Adaptation, Louise Loubrieux. 10e épisode. Avec Rémi Fortin, Vince, Pierre Rochefort, Mitch, Catherine Tartarin, Dina, Camille Clarisse, Fumi. Et les voix de Tom Boyaval, Christophe Chen, Adrien Michaud et Zélie Chelvignac. Composition musicale, électro et harmonique, Dominique Massa et Patrick Martinache. Contrebasse, Erwan Ricordo. Clavier, Dominique Massa. Bruitage, Sophie Bissens, Elodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel, Antoine Viossa. Assistante à la réalisation, Claire Chéneau. Réalisation, Juliette Eman. Autour du monde est paru aux éditions de Minuit.